the position I'm mostly in is ahead of the game. Je sonne comme une tonne de briques. Il faut une tonne de fric et une bonne cachette pour le tenir loin des flics. Ambiance lugubre, tu connais ceux que je représente. Toujours sur la rive sud, as-tu besoin que je me présente? Je pense pas, ça fait déjà un bout que je suis là. Et si tu me connais pas, demande aux gars autour de toi. Je suis celui derrière le V3, derrière la controverse. Troisième roi dans les airs, celui que tu détestes. Celui qui reste vrai, qui retourne jamais sa veste. À Québec, c'est moi le best, ça tombe bien, c'est là que je reste. Les gars me testent, mais ça fait longtemps que je suis diplômé. Les gars me cherchent, mais ils cherchent encore leur identité. C'est ça les bots, c'est ça la mentalité. Trop inutile, ils cherchent une rivalité pour se prouver. Game over, I'm back yo, j'en prends ma place yo. Dégage yo, sonnez l'alarme de face des marques yo. Qui donc tu sais de faire la moitié de ce que j'ai accompli. Je veux voir les mains dans les airs, est-ce que c'est bien compris? Game over, I'm back yo, j'en prends ma place yo. Dégage yo, sonnez l'alarme de face des marques yo. Qui donc tu sais de faire la moitié de ce que j'ai accompli. Le métro, je représente, est-ce que c'est bien compris? Game over. Les beats j'assassine, les rimes que je dessine sont des crimes, homicides volontaires. Que témoin oculaire, un flow meurtrier, les policiers me laissent faire. Circuler, y'a rien à voir. Tu t'es fait avoir si tu pensais que j'étais mort, que t'allais plus me revoir si tu. Combien de temps j'ai attendu ce moment, tellement que j'ai eu une impression déjà vu maintenant. Je parle au présent, on avance pas avec d'ici. Je vis ma vie honnêtement, rien à foutre des raccourcis. Quand un choix s'offre à moi, c'est évident, je réfléchis mais je bouge rapidement. Y'a rien de pire que l'indécis. Game over, I'm back yo, j'en prends ma place yo. Sonnez l'alarme de face des marques yo. Qui donc tu sais de faire la moitié de ce que j'ai accompli. Je veux voir les mains dans les airs, est-ce que c'est bien compris? Game over, I'm back yo, j'en prends ma place yo. Dégage yo, sonnez l'alarme de face des marques yo. Qui donc tu sais de faire la moitié de ce que j'ai accompli. Le métro, je représente, est-ce que c'est bien compris? Game over. Marche mille dans mes souliers. Tu verras vite que c'est pas fait pour toi, que c'est pas facile à endurer. Chaque journée de combat, on gagne du terrain. Trop d'amis backstab et plusieurs tirent la main. C'est suspect, regard louche, visage masqué. Faut toujours lire entre les lignes, pas le temps de relaxer. Il te faut une vision de 360 degrés. Les Celsius grimpent et mon sang se met à bouillir. Réveillé, pourtant j'ai l'impression de rêver. Jure mais personne ne m'entend, man c'est fucké. Les tours se resserrent, les murs se referment sur moi. Des fois je sais plus, yo les démons sont sur moi. Pourquoi? Je m'acharne yo, j'ai plus rien à prouver. Les questions se posent, les réponses sont dures à trouver. Tout ce qui est facile d'accès m'excite pas. Même pressé pour les femmes, je reste explicite, gars. Game over, I'm back.